Sherry Bondoé. Thank you. briller comme Madame Soleil. Aïe, oh, ma chérie Bondoé, moi pas ma qui est Vénus, pour briller comme Madame Cendrillon. Aïe, oh, ma chérie Bondoé, oh, aïe, oh, chérie Bondoé, oh, aïe, oh, chérie Bondoé, oh, Pacajuma, Pacajuma, oh, Pacajuma, Pacajuma, oh.